car sur ton flanc colle son ventre de bois. Les flammes de l'enfer jaillissent du fond de toi. L'amour brûle ta bouche et ton regard devient fou quand la guitare est pendue à ton cou. Tous les démons de la musique te sortent par les doigts. Dans ta gorge en furie, les mots déchirent ta voix. Tu griffes le métal et tous les muscles tendus. Sur la guitare, tu joues à cœur perdu. Autour de toi, c'est le délire. C'est un chorus de sanglots et de rires. Échevelé, tu flottes dans le néant. Alors, tu cries au rythme de tes battants. Le rythme roule dans tes veines comme un flot déchaîné. Qui arrache les plaintes de ton corps disloqué. Il brise tout ton être et t'emporte loin de tout. Quand la guitare est pendue à ton cou. Un soleil multicolore baigne de lueurs étranges. Ton visage d'ange. Mais soudain, tes mains tressaillent, ton pied marque la cadence. Un accord crève le silence et cet ange devient un démon. Quand la guitare sur ton flanc colle son ventre de bois, les flammes de l'enfer jaillissent du fond de toi. L'amour brûle ta bouche et ton regard devient fou. Quand la guitare est pendue à ton cou. Tu as brisé tes chaînes. Le diable même ne peut plus t'arrêter. Alors c'est toi le maître du monde entier. Car c'est le feu de la jeunesse qui brûle sous tes doigts. Le cri de la jeunesse qui déchire ta voix. La joie de tes 20 ans éclate quand il y a une guitare pendue à ton cou.